rapide. Toi très skinny dans ton slip. Baillé bimi dans un nouveau satellite. C'est bon, j'ai des boulets dans mon équipe, pas de boulets même s'il y a pas de boulot. Je vois ton homme au boulot, même si le chef n'est pas là, y'a du sang qui va couler. Bref, je te prends pas dans mes bras. Bref, des fois je suis très ingrat. Bref, je tire dans le tas, je débarrasse, on va plus comme une fille se barra. Bah, comme je suis haut, tout le monde m'appelle. Car je monte en hausse, ça m'en appelle. Le son te brûle, donc à ta peau qui pèle, ça te fait mal au cul comme un lever sans sa selle. Gros, la prod, je la salis. Gabi, tu coupes, on va sucrer ton salaire. Les mots, j'ai les manies. Toi, t'es le boss, franchement, ça n'a pas l'air. Oui, je suis de la partie, moi je persévère. Toi, tu perds tes veines en plus, tes cartes, tes bœufs. Pour percer dans ce game de lâche, en plus gros, tu risques de perdre tes bœufs. Écoute mes phases dans ton Walkman. Tu fais de fou, on te white man. Et si tu nous guettes mal, on te lance la gorge pour te respirer comme un âne. Mais comme je suis haut, ils veulent tous me rencontrer. Ça fait que moi, je veux pas de leur contrat. Si tu les suces, toi et moi, c'est le contraire. Et je te fais du sale comme un foyer sans apôtre. Oh, tu montes en grâce. Je t'étonne pas si le son n'est pas léger. Oh, tu montes en grâce. Normal que la sentence ne soit pas légère. Oh, tu montes en grâce. Je t'étonne pas si le son n'est pas léger. Oh, tu montes en grâte. Normal que la sentence ne soit pas légère. Tout assassine, sans faire ciné. Ça sort de la street et non d'usine. NASA le king te colle le consigne. Ça va faire du buzz comme Billie Jean. C'était collant, tu en barre de toutes les couleurs, même si tu me sens coulisse. Je kick en de la colline, fais pas le nerveux le colon, si je te pèterai la colonne vertébrale. Ou en fait, tu finiras invertébré. Dans ma zone, on a du mal à s'intégrer. À s'intégrer, à s'intégrer. Et si tu me clashes, moi je t'encule. Bâtard, quand j'avance, toi tu recules. Je suis pas ridicule alors que je fais les bails au culot. Et toi, quand y'a un chat, tu chies dans ta culotte. Le rap, je colonise. Je suis le nouveau colonel. Les beats s'accrochent à nous, car sur nos sapes, oui, de la colonna. Même si t'es farci, car t'aimes les choses chelous. Ah, qui sort des vessies. Moi dans le rap je m'investis sans tu sors juste sale bâtard de ma veste. Dans ma zone tu n'es pas dedans, je loupe tes clips et je vois que des nouveaux pas de danse. Charismatique et ma clip dans ce beau temps. C'est chargé, on va te botter. Mon flow s'accroche, à ta sacoche. Si tu m'attaques, bâtard tu ricoches. Moi je ricane et toi tu dépannes donc bellec, bellec. À ton départ. Gras, tu montes en grade. Ne t'étonne pas si le son n'est pas léger. Gras, tu montes en grade. Normal que la sentence ne soit pas légère. Gras, tu montes en grade. Ne t'étonne pas si le son n'est pas léger. Gras, tu montes en grade. Normal que la sentence ne soit pas légère.